Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, cette femme il fallait pas l'embrasser. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, car c'est au shérif qu'elle est mariée. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, tu as mal commencé ta journée. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, c'est à toi de tout t'arranger. Charlie, oh, oh Charlie, c'est au shérif qu'elle est mariée. Oh Charlie, c'est à toi de tout arranger. C'est à toi de tout arranger. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, car le shérif cherche à te tuer. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, aujourd'hui en pleine rue il va te défier. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, face à toi sous le soleil éclatant, sous le soleil éclatant. Oh Charlie, oh Charlie, immobile, voici le shérif qui t'attend. Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, il te faut dégainer le premier. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, car lui ne va pas te rater. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, au paradis tu t'en es allé. Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, Charlie le cow-boy, oh Charlie le cow-boy, juste pour un petit baiser volé.